Chapitre 3e. Amour à Moret. J'ai passé la journée sur une affaire plan-plan. Depuis mon deuil, mes supérieurs m'ont donné des enquêtes qui ne posaient pas de problème particulier. Pour celle du moment, il s'agit de démanteler un gang qui dévalisait des conteneurs sur les docks. Le matériel volé par les amateurs était fourgué par une autre équipe de branquignols qui s'était fait prendre sans rechigner et avait petit à petit lâché le morceau. Le but de l'enquête consistait à essayer d'éradiquer complètement le port de ce fléau. De pieux, je le savais bien, ces truands sont comme des blattes. On croit s'en débarrasser complètement quand une nouvelle bestiole sort du siphon de la baignoire. Ce genre de délit devait exister depuis que le premier bateau marchand avait dû accoster l'abri de Massalia. Ça faisait partie du folklore. Lorsque Silou m'a ouvert la porte, elle ne m'a pas pris dans ses bras pour me faire la bise comme je m'y attendais. Les yeux légèrement fiévreux, elle m'a pris doucement la main et m'a tiré vers le canapé où elle s'est allongée sans me lâcher des yeux. « Viens, on fait comme hier, on se cocoune un peu. » J'ai enlevé mes pompes et me suis allongé contre elle. « Tu sais, j'ai commencé. Attends, tu parleras après. Laisse-moi goûter le calme du moment présent. » Je n'ai pas mouflé, je lui ai caressé doucement le front du bout des doigts. Sylvia s'est serrée plus fort contre moi. « Tu devrais descendre plus bas, » a-t-elle murmuré. Je me suis exécuté avec autant de douceur que si je touchais un bébé. Je me suis concentré sur les terminaisons nerveuses de mes mains, ce qui a libéré mon mental. Je n'ai plus pensé à rien. Je n'étais plus qu'un esprit concentré sur mon corps. « C'est tellement bon, » a roucoulé Silou. Soudain, elle m'a glissé à l'oreille. « Oh, puis tant pis, j'en ai trop envie. » Elle s'est assise et califourchon sur moi et m'a pris les lèvres avec tendresse. « Tu veux bien, dit. » « Qu'est-ce que vous vouliez que je réponde ? Je n'étais plus qu'un ensemble de terminaisons nerveuses et je me suis laissé couler dans le fleuve de la vie animale. » Sylvia eut la pudeur d'étouffer les nombreux orgasmes qu'elle a éprouvés, de peur que je ne me réveille de ma transe. De mon côté, je me suis retenu de façon à ne plus quitter le rivage sur lequel je venais d'aborder. Chacun de nous avait en background la même pensée. « C'est mal ce que tu fais. Tu trahis la mémoire de ce que tu as aimé. Tôt ou tard, tu le payeras. » L'expérience nous a laissé un goût exquis, alors qu'on s'attendait à être bourrelé de remords. On a eu l'impression d'avoir pris contact avec le sol, avec la vie simple de tous les jours, celle de tout le monde. Il faut que je t'avoue quelque chose, Gino. C'est la première fois que c'est aussi bon. Bien sûr que pour Silou, la chose n'était pas aussi embarrassante pour la conscience que pour moi. Après tout, son mari était parti et tant pis pour lui. Sylvia était maintenant libre de faire ce que bon lui semblait. Mais pour moi, il y avait un véritable dilemme. Je ne pouvais faire table rase de tout ce que j'avais vécu avec Chantal. Il faudrait un petit temps d'adaptation pour faire taire ma conscience, forgée à l'éducation italienne. Allez, Silou, on ne va pas s'éterniser là-dessus. C'est un moment d'égarement bien compréhensible. Au passage, Silou a dû remarquer qu'en douce, je lui faisais supporter la responsabilité du moment d'égarement. Elle n'a rien dit, en espérant peut-être d'autres égarements dans quelque temps. « Bon, écoute ma puce, il faut que je te raconte mon histoire. Après, je pense que j'aurai la cervelle plus libre. » Et je lui racontais d'abord ce qui s'était passé en Algérie durant mon service militaire. Mai 1960, quelque part dans le Constantinois, près de la frontière tunisienne. Un soir de semaine, vers 20h, dans un bar qui tourne à plein avec les bidasses du camp militaire voisin. Quelques filles passent de temps en temps, mais ce ne sont pas toutes des professionnelles. Ça suffit à attirer le chaland et la salle est pleine dès 19h jusqu'à l'extinction des feux. Toutes les tables sont occupées par des soldats qui se racontent leur vie, qui jouent aux cartes, qui critiquent le gouvernement, leur chef, le climat, la bouffe de l'ordinaire, la croupe des filles présentes dans la salle. On se raconte la dernière opération à laquelle on a participé, la souffrance des blessés, on boit la santé de ceux qui sont partis pour toujours. On développe ses projets pour après la démobilisation, on se montre des photos et surtout, on s'engueule à propos de tout et de rien. Accoudé au bar, un jeune gars, la carrure d'athlète, discute avec une fille pas vraiment belle, mais aux arguments plus que sexy. Charlie Mertens est un type du Nord, mineur à Lens. Un de ces garudes qui ont grandi dans la rue, mais qu'il faut connaître pour savoir combien ils sont sympathiques et accueillants. Celle qu'on appelle Mylène a l'air de discuter sérieusement avec lui, mais de temps en temps, leurs visages se rapprochent, ce qui provoque certains ricanements. Ceux qui connaissent Charlie n'osent pas s'aventurer sur ses plates-bandes. Le gars fait près d'1m90, avec la largeur adéquate. Dans un coin de la salle, je joue aux dames avec un de mes potes, aspirant comme moi. On n'ose pas trop se mêler aux hommes de troupe, pas par snobisme, mais pour ne pas risquer de gêner leur débordement. Vers 20h30, deux sergents entrent dans la salle, avec visiblement déjà quelques bières dans le buffet. L'un est René Guelmard, l'autre André Vernieux. Rien qu'à la façon dont ils mettent leurs calots et dont ils retroussent leurs manches, on sent des engagés fiers de rouler la caisse. Ils avisent le couple au comptoir et se dirigent directement vers lui. Guelmard s'interpose entre Mertens et la fille, alors que Vernieux se colle contre Mylène et lui souffle dans le cou. « On se connaît, nous deux ?» lui susurre Guelmard. Mertens laisse tomber sa lourde main sur l'épaule de Guelmard et le fait pivoter. « C'est pas parce que t'as deux sardines sur la chemise qu'il faut que tu crois que c'est arrivé. Allez, casse-toi de là. Tiens, va t'asseoir là-bas avec ton pote avant que je m'énerve. »« Non mais vous l'entendez, ce troufion de merde ? Rentre en berca, petit con !» En disant cela, Guelmard pousse violemment Mertens, pendant que Vernieux en profite pour clôturer la fille qui pousse un grand cri. Mertens se tourne vers la salle. « Vous êtes témoins, vous autres, que c'est eux qui m'ont cherché, hein ?» Tous répondent par un ouais unanime et enthousiaste. La réputation de tête de cochon des deux sergents n'est plus à faire. Rares sont ceux qui n'ont pas eu à en pâtir. De plus, la force physique de Mertens et son courage aveugle promettent une bonne branlée en perspective. Sans voir venir le coup, Guelmard reçoit un direct dans le plexus qui le foudroie. Pour faire bonne mesure, Mertens lui offre un revers sonore qui lui démonte la tête. Vernieux veut s'interposer avec force injure, mais d'une seule baffe, Mertens le projette contre le comptoir où il s'assomme à moitié. La salle crie « Tue-les, ces fumiers !» Mertens attrape Guelmard par le col de sa chemise, l'assoit sans ménagement à une table et fait de même pour Vernieux, comme s'il s'agissait de deux poupées de chiffon. « Mon prince, Mertens crie à la patronne. « Marcel, deux anisettes pour ces messieurs, c'est moi qui régale !» Les deux matamores se sont retrouvés hagards devant leur verre. Mertens a continué tranquillement sa roucoulade auprès de Mylène. Tout est redevenu calme pendant quelques minutes, quand une nouvelle bagarre éclata à une table du fond à propos d'une partie de poker. Certains commençaient à trouver qu'il était temps de prendre la tangente. Mertens a quitté le bar sans un regard aux deux sergents qui l'avaient frappé. Aussitôt après, les loques sont partis aussi et j'en ai profité pour me tailler également. Sans que les deux chauffeurs s'en aperçoivent, j'ai sauté à l'arrière du camion, assis au bord du plateau, les jambes pendantes. Je préférais rentrer au camp autrement qu'à pied. Je somnolais plus ou moins quand j'ai senti le camion freiner et j'ai entendu quelques éclats de voix. « Arrête, je te dis, regarde, c'est lui. Viens, on va lui mettre une tête au carré à ce fils de pute. » De là où je me tenais, je ne voyais pas grand-chose. Les phares n'éclairaient que la route et la scène qui se déroulait se passaient certainement sur le bas-côté. Soudain, j'ai entendu le choc sourd de coups et des hurlements. Je me suis précipité à l'avant du camion. Les deux abrutis étaient en train de tabasser Mertens à coups de démonte-pneus. Le pauvre bougre essayait de se protéger comme il pouvait, mais les coups portaient quand même et chacun d'eux produisait une blessure. Je me suis mis à hurler. « Arrêtez, bande de salauds, vous allez le tuer !»« Tu vas fermer ta gueule, sous-bite de merde !» qu'ils m'ont dit. Il était difficile pour moi de protéger Mertens sans être moi-même blessé. Je me suis contenté de les pousser entre deux rafales de démonte-pneus et d'hurler comme un perdu. Malheureusement, seuls quelques chiens de ferme répondaient à mon appel. J'ai pris des coups moi aussi, mais sous l'effet de la rage, je te jure que j'ai rien senti sur le moment. Quand ils ont été bien rassasiés du baston, les deux sergents sont remontés dans leur bahut, Mertens gisant au sol et respirant très faiblement. J'ai couru comme un fou pour les rattraper, car je savais bien que les secours ne pouvaient venir que du camp ou du village. Peine perdue. La lune éclairait à peine et je me suis penché sur le corps de Mertens. Je l'ai entendu respirer et je me suis dit que tout n'était peut-être pas perdu. Je connaissais bien le parcours et savais par habitude qu'on était plus près du village que du camp. J'ai couru comme un dératé en direction du patelin. Trois quarts d'heure plus tard, Mertens a été récupéré dans un semi-coma. Il a été dirigé directement sur l'hôpital de Constantine où il a reçu les premiers soins. Au risque d'être porté déserteur, je ne l'ai pas quitté une seule seconde. Comme je savais la façon dont était traité ce genre d'affaires par l'armée, surtout hors de métropole et en opération, j'ai déposé plainte auprès des autorités policières locales, afin d'avoir plus de chances que l'agression ne soit pas passée sous silence. Avant de subir une première opération, Mertens a pu témoigner contre Guelmard et Vergneux et confirmer mes accusations. Vers 4 heures de l'après-midi, lorsque je me suis présenté devant mon commandant, Mertens avait été porté manquant sans qu'aucun des deux sergents n'ait signalé l'incident. Dans le camp, j'avais même croisé Guelmard qui m'a toisé d'un regard ironique qui semblait dire « T'as vu ce que ça coûte de nous casser les bonbons ?» Putain, je lui ai glandé, j'ai été droit sur lui pour lui barrer le passage. « Écoute-moi bien, fils de pute, je lui ai dit. Ce que vous avez fait hier, ça va vous coûter cher, très cher. Tu t'en souviendras, c'est moi qui te le dis. Je n'ai jamais utilisé mes galons, mais pour toi, je te garantis que je vais me surpasser. » Guelmard m'a toisé d'un regard qui équivalait à un crachat. « Petit combat, cause toujours, tu m'intéresses, » qu'il m'a répondu. En fin d'après-midi, la police a mis en rapport avec le camp au grand dam du colonel qui m'a aussitôt convoqué dans son bureau. « Volpi, qu'est-ce que c'est que ce bordel que vous avez foutu? Vous êtes fou ou quoi? Ce genre d'affaires se règle en interne. Qu'est-ce qu'on vous a pris aux EOR ?»« L'école d'officiers de réserve. » »« Pour commencer, je vous fous 15 pains pour vous apprendre à vivre et j'attends vos explications. » Je lui ai raconté l'affaire par le menu, en expliquant bien ce que je reprochais à Guelmard et Vergneux. C'était non seulement d'avoir haussé Mertens sa coup de barre de fer, mais surtout de l'avoir laissé sans secours alors qu'il était dans un état quasi létal. La tentative d'homicide volontaire était manifeste. Le colonel m'a écouté sans m'interrompre, puis a gardé le silence un moment. Finalement, son visage s'est détendu. « Vous ferez quand même vos 15 jours d'arrêt, mais... » « À votre place, j'aurais fait la même chose. On n'a pas besoin de connards pareils dans l'armée française. » La police locale avait tout de même eu l'intelligence de taire l'incident pour éviter les frictions avec le camp militaire voisin. La police militaire, quant à elle, a mis les blessures de Mertens sur le compte d'un attentat commis par des félagas. Mertens a été transféré en métropole pour y subir d'autres opérations plus délicates. Un enfoncement de la voie crânienne l'avait défiguré à vie, mais les chirurgiens allaient essayer de récupérer un peu de mobilité d'une de ses jambes dont les nerfs avaient été écrasés sous les coups. Guelmard et Vergneux ont été coupés de 6 mois ferme, mais surtout, l'armée a rompu leur contrat et leur peine a été inscrite sur leur casier judiciaire. Ils ont juré tous les deux de me faire la peau et j'ai dû être protégé en attendant de quitter l'Algérie. Une fois mon récit terminé, un long silence a régné dans le salon de Sylvia. On entendait dans les rues les sirènes des ambulances et le bruit du trafic automobile. Une chaîne stéréo répandait sa musique dans la cage d'escalier. « Et alors, Guelmard, dans tout ça, qu'est-ce qu'il est devenu ?» a demandé Sylvia très doucement. « Eh bien, Guelmard m'a retrouvé et a décidé de m'assassiner. »« Mais comment a-t-il fait pour te retrouver ?»« Oh, tu sais, ce n'était pas très compliqué. Il savait que j'étais originaire de Marseille. De plus, lors de l'affaire de l'Estac, ma photo apparut plusieurs fois dans la presse. » Et il lui était facile, avec du temps, de me coincer. Seulement, il s'est trompé de cible, c'est ça, Gino? Il a eu Chantal et Guido à ta place? Voilà, c'est là le drame. Je te jure que si j'avais su que j'allais perdre ma femme et mon fils, j'aurais fermé ma gueule en Algérie. Ça, c'est sûr. Ce n'est pas la peine de regretter quoi que ce soit. Tu as fait ce qu'il fallait faire. Ton colonel te l'avait dit. Mais qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Tu sais où le trouver, ce type? T'inquiète, je vais m'en occuper. Maintenant que je suis sûr que c'est lui, tu vas le faire arrêter? Et pour quel motif et sur quelle preuve? Tu penses qu'un mec comme ça se laisse démonter aussi facilement? N'importe quel avocat dira que je m'acharne après lui. Le proc refusera de poursuivre. Alors il n'y a rien à faire? Si. Qu'est-ce que tu vas faire, Gino? A demandé Sylvia, anxieuse. Si je peux, je lui ferai la peau, j'ai répondu très calmement. Tu déconnes là? Non, pas du tout. Je suis très sérieux. Et si tu le fais prendre? Eh bien, j'irai en tôle, et je tirerai ma peine, et c'est tout. Mais je ne suis pas aussi con que ce qu'il s'imagine. Gino, tu n'es pas sérieux. Tu te rends compte de ce que tu dis? Ma grand-mère disait toujours, il vaut mieux être bohémien que 6 pieds sous terre et innocent. Et puis, de toute façon, c'est lui ou moi. Et Mertens, tu sais ce qu'il est devenu? Non. Les dernières nouvelles que j'ai eues de lui venaient de l'hôpital Lavran. Il a été opéré plusieurs fois, mais je ne sais pas s'il a pu récupérer l'usage de ses jambes. En tout cas, il avait fait passer un message à mon attention au médecin-chef. Et que disait-il? Qu'il ne m'oubliera jamais. C'était un brave type, et beau gosse avec ça. Maintenant, il ne doit plus ressembler à rien, le pauvre. Et Vergnieux, tu sais quelque chose sur lui ? Non, jamais une nouvelle. Remarque que je pourrais me rencarder avec les RG pour le localiser. Mais d'un autre côté, je préfère rester discret et ne pas leur mettre la puce à l'oreille, des fois qu'il y ait du macabé dans l'air, au cas où tu passerais à l'acte. J'ai hoché la tête tout en réfléchissant. Sylvia m'a tiré à elle et m'a caressé les cheveux. Tu vois, heureusement qu'on a fait l'amour avant que tu me racontes tout ça, parce que maintenant, je n'en ai vraiment plus envie. Tu crois que c'est important ? Lui-je demandé d'un air désabusé. Cette nuit-là, je n'ai pratiquement pas dormi. Le récit de cette histoire m'avait fait monter aux lèvres un goût de sang, où se mêlait celui de Chantal, de Guido et de Charlie. Jusqu'au jour de l'agression de Mertens, je n'avais jamais réellement éprouvé de haine. De la colère, oui, souvent, mais la haine et le dégoût, je les avais découverts avec Guelmar et Vergnieux. Et depuis que je venais de comprendre que l'un des deux était l'assassin des miens, j'éprouvais un instinct animal de meurtre, comme pour laver ce goût de sang que j'avais dans la bouche. Vers 4 heures du matin, je me suis levé pour boire dans la cuisine. Sylvia avait dû me rejoindre, nue sous sa robe de chambre ouverte. Elle n'éprouvait plus de pudeur devant moi. Elle a bu avec moi et avant de se recoucher, je lui ai dit en la regardant « Je ne t'ai même pas dit combien tu étais jolie. Tu sais, finalement, je te connaissais sans te connaître. »« Merci, c'est gentil. Mais maintenant, Bello, il faudrait qu'on essaye de dormir, car demain, on va être à la ramasse. » À partir de ce jour-là, j'ai établi mes quartiers chez Sylvia, ne passant chez moi que pour relever mon courrier, la gorge serrée, l'œil aux aguets. J'ai changé d'habitude, de look, de voiture. Mes collègues et mes supérieurs ont assisté médusés à ma transformation progressive. Toutes les nuits, j'ai supputé des plans de meurtre, dans lesquels je voulais que Guelmar vive ce que ses victimes avaient vécu. Œil pour œil, dent pour dent, telle était ma devise désormais. J'ai réussi d'abord à loger Guelmar, sans alerter les services. Puis j'ai commencé à le filer discrètement, dès que mon boulot me le permettait. J'ai surveillé discrètement les habitudes de ma cible, en essayant d'anticiper la propre stratégie de Guelmar. Rien ne prouvait en effet qu'il n'allait pas tenter une nouvelle fois de m'assassiner. J'ai appris ainsi son lieu de travail, ses horaires, ses relations, ses habitudes. Bien sûr, j'aurais pu le descendre froidement à son domicile, lorsque Guelmar aurait ouvert la porte, ou lui planter un eustache dans le ventre, comme ça, de but en blanc. Mes deux autres locataires habitaient la maison, et leur porte était souvent entrouverte. Un coup de malchance et tout le quartier aurait été en révolution. Je me voyais mal me tailler comme un fou à travers les rues de la ville, moi, un commissaire de police. Non. Ma fonction, ma haine et mon intelligence, eh oui, me poussaient à mettre plus de panache et plus de ruse à ce meurtre. J'avais remarqué que tous les samedis soirs, Guelmar se rendait à la route d'Anteron, en empruntant une route peu fréquentée à cette heure-là. C'est là que je comptais perpétrer mon crime, dans le calme de la campagne, sans armes, en maquillant le meurtre en accident de la route, tout comme l'avait fait Guelmar pour ma femme et mon fils. Dans une grange de mon nouveau domicile, justement située dans les parages de la route en question, dormait un vieux Dodge Command Car que je comptais remettre en état. C'était idéal pour pousser une voiture dans le fossé sans trop de bobos. Je n'étais pas pressé. Je jouais au chat et la souris avec un plaisir morbide. Guelmar était en chasse, sans se douter qu'il était lui-même chassé par plus rusé que lui et qu'il n'en réchapperait pas. J'en avais fait le serment.